怎么这样？是什么知道？我怎么这样？是谁？拜拜，怎么这样？你的话的话在不是去拜。 voir. Moi je n'aime pas ces plans là. No way, Samantha. Je connais ton mental, oh Samantha. La série de ton bras gauche, Samantha. Les traces de picouze. Tes lèvres ne traînaient des poudres. Bye bye, Samantha. Je n'aimerais pas être dans ta peau, Samantha. Bye bye, Samantha. Santiago, Samantha. Je te retrouverai dans mes Santiago. Go away, Samantha. Samantha, tu n'es plus là. Bye bye, Samantha. We'll be right back. bien ton morceau, tu vois. Ça fait longtemps.